Ni Dieu, ni maître, ne sommes que peu de choses. Dès que s'emballent les girouettes et que le jour se décompose, alors qu'explose le baromètre dans les foyers du monde entier et qu'il ne reste plus un maître, que les éléments aient épargné. Je veux que ça tonne dans le ciel, sentir la puissance naturelle, voir les nuages se déchirer et la foudre se déchaîner. On a abusé notre terre, aujourd'hui c'est nous qu'elle enterre dans un grand fracas électrique. Qu'elle nous frappera de sa trique. Que gonflent les rivières en portant tout dans leur courant, les tranchées et les canonnières et tous les monstres s'y battant. Que la pluie soit torrentielle, détruisant tout ce qu'il y a sur sa route, les dernières traces résiduelles disparaissant derrière les gouttes. Je veux que ça tonne dans le ciel, sentir la puissance naturelle, voir les nuages se déchirer et la foudre se déchaîner. On a abusé notre terre, aujourd'hui c'est nous qu'elle enterre dans un grand fracas électrique. Elle nous frappera de sa trique. Zéphyr et emporte les maisons. Il est grand temps d'en finir avec les hommes et leurs actions. Et peut-être que finalement, lorsque nous aurons tout perdu, à contempler le firmament, on verra que c'était notre dû. Je veux que ça tonne dans le ciel, sentir la puissance naturelle, voir les nuages se déchirer et la foudre se déchaîner. On a abusé notre terre, aujourd'hui c'est nous qu'elle enterre dans un grand fracas électrique. Elle nous frappera de sa trique. Sentir la puissance naturelle, voir les nuages se déchirer et la foudre se déchaîner. On a abusé notre terre, aujourd'hui c'est nous qu'elle enterre dans un grand fracas électrique. Elle nous frappera de sa trique.